Chapitre 2 du livre 10 de Notre-Dame de Paris. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles Leblanc. Notre-Dame de Paris par Victor Hugo. Livre 10, chapitre 2. Faites-vous truand. L'archidiacre, en rentrant au cloître, trouva à la porte de sa cellule son frère Jean Dumoulin, qui l'attendait et qui avait charmé les ennuis de l'attente en dessinant avec un charbon sur le mur un profil de son frère aîné enrichi d'un nez démesuré. Don Claude regarda à peine son frère. Il avait d'autres songes. Ce joyeux visage de vaurien dont le rayonnement avait tant de fois rasséréné la sombre physionomie du prêtre était maintenant impuissant à fondre la brume qui s'épaississait chaque jour davantage sur cette âme corrompue, méphitique et stagnante. « Mon frère, dit timidement Jean, je viens vous voir. » L'archidiacre ne leva seulement pas les yeux sur lui. « Après ?»« Mon frère, reprit l'hypocrite, « vous êtes si bon pour moi, et vous me donnez de si bons conseils que je reviens toujours à vous. » « Ensuite ?»« Hélas, mon frère, c'est que vous aviez bien raison quand vous me disiez, « Jean, Jean, cessat doctorum doctrina, disciplorum disciplina. » Note. La doctrine des docteurs, la discipline des disciples se perdent. Fin de note. Jean, soyez sage, Jean. Docte, Jean, ne pénétrez pas hors le collège sans légitime et congé du maître. Ne battez pas les Picards, Noli, Joannes, Verberare, Picardos. Ne pourrissez pas comme une âne illettrée, casia sinus illiteratus, sur le feuilleur de l'école. Jean, laissez-vous punir à la discrétion du maître. Jean, allez tous les soirs à la chapelle et chantez-y une antienne avec verset et oraison à Madame la Glorieuse Vierge Marie. Hélas, que c'était là de très excellente avis. Et puis, mon frère, vous voyez un coupable, un criminel, un misérable, un libertin, un homme énorme. Mon cher frère, Jean a fait de vos gracieux conseils paille et fumier à fouler aux pieds. J'en suis bien châtié. Et le bon Dieu est extraordinairement juste. Tant que j'ai eu de l'argent, j'ai fait ripaille, folie et vie joyeuse. Oh, que la débauche, si charmante de face, est laide et rechignée par derrière. Maintenant, je n'ai plus un blanc. J'ai vendu ma nappe, ma chemise et ma toile. Plus de joyeuse vie. La belle chandelle est éteinte. Et je n'ai plus que la vilaine mèche de suif qui me fume dans le nez. Les filles se moquent de moi. Je bois de l'eau. Je suis bourré de remords et de créanciers. Le reste, dit l'archidiacre. Hélas, très cher frère, je voudrais bien me ranger à une meilleure vie. Je viens à vous plein de contrition. Je suis pénitent. Je me confesse. Je me frappe la poitrine à grands coups de poing. Vous avez bien raison de vouloir que je devienne un jour licencié et sous-moniteur du collège de Torcy. Voici que je me sens à présent une vocation magnifique pour cet état. Mais je n'ai plus d'encre. Il faut que j'en rachète. Je n'ai plus de plumes. Il faut que j'en rachète. Je n'ai plus de papier. Je n'ai plus de livres. Il faut que j'en rachète. J'ai grand besoin pour cela d'un peu de finance. Et je viens à vous, mon frère, le cœur plein de contrition. Est-ce tout? Oui, dit l'écolier, un peu d'argent. Je n'en ai pas. L'écolier dit alors d'un air grave et résolu en même temps, « Eh bien, mon frère, je suis fâché d'avoir à vous dire qu'on me fait d'autre part de très belles offres et propositions. Vous ne voulez pas me donner d'argent? Non? En ce cas, je vais me faire truand. » En prononçant ce mot monstrueux, il prit une mine d'Ajax, s'attendant à voir tomber la foudre sur sa tête. L'archidiacre lui dit froidement, « Faites-vous truand. » Jean le salua profondément et redescendit l'escalier du cloître en sifflant. Au moment où il passait dans la cour du cloître sous la fenêtre de la cellule de son frère, il entendit cette fenêtre s'ouvrir, leva le nez et vit passer par l'ouverture la tête sévère de l'archidiacre. « Va-t'en au diable, » disait Don Claude. « Voici le dernier argent que tu auras de moi. » En même temps, le prêtre jeta à Jean une bourse qui fit à l'écolier une grosse bosse au front, et dont Jean s'en alla à la fois fâché et content, comme un chien qu'on lapiderait avec des os à moelle. Fin du chapitre 2 du livre 10.